La revanche de l'ironie par Abel Hermant. Mon cher Zadig, je suis piqué, mortifié, hors de moi, dit le roi, qui en effet ce matin-là semblait particulièrement nerveux. Je suis impatient d'agir comme un cheval de race à qui un jockey sans scrupule a donné de la drogue et qui attend le signal du départ en frémissant de toute sa peau. Si toutefois un roi de Serendip peut s'en commettre lui-même, le crime de lèse-majesté se comparer à un cheval. Un cheval, non, dit en souriant le ministre, mais un coursier, oui. Zadig, reprit le roi, j'éprouve une sorte d'irritation physique, comme un simple mortel qui aurait reniflé par mégarde quelques grains de sénévé. Votre hôtesse, fit le ministre, veut dire sans doute que la moutarde lui monte au nez. Oui, répondit Nabussan. Mais puis-je parler de moi en termes si vulgaires? Votre hôtesse s'en parle exactement comme il convient. Oserais-je lui demander quelle est la cause première et la raison suffisante de ce sénévé ou de cette moutarde? Je vous le dirai, repartit le roi Nabussan. Quoique vous le sachiez aussi bien que moi. J'écoute, dit le ministre. J'ai suivi votre conseil. Vous me rendrez cette justice? Je suis presque toujours vos conseils, même quand ils me paraissent bons. Ne pouvant tirer de nos anciens ennemis un seul dinar de ce qu'ils nous doivent au terme du traité de paix et au titre des réparations, j'ai résolu d'agir à leur égard comme les créanciers font à l'égard des débiteurs de mauvaise volonté, et d'aller saisir sur place ce qu'ils ne nous payent point de leur plein gré, soit en argent ou en nature. Nous tenons à présent toute la région où les huiles inflammables jaillissent du sein de la terre et où, dit-on, le creux des lacs n'est point rempli d'eau douce ou salée, mais d'asphalte. Nos ennemis ont eu la malice d'établir en ces tristes lieux le centre de leur industrie. Évidemment, quand on y pense, cela était tout indiqué, et ils nous ont une fois de plus montré qu'ils ont le génie de l'organisation dont nous sommes hélas dépourvus. Mais toute médaille a son revers, et c'est à nous que profite maintenant leur infernale habileté. L'industrie militaire de nos ennemis est désormais entre nos mains ou sous notre surveillance. Ils ne peuvent plus fabriquer un seul lance-flamme ou l'alimenter, de sorte qu'ils se trouveraient bien empêchés si, comme je le crains toujours, ils leur reprenaient fantaisie de nous tomber dessus. « Eh bien, sire, dit Zadig, n'est-ce pas déjà un fort notable avantage? La sécurité est le plus grand des biens. Mais notre expédition ne laisse pas de nous en avoir procuré qui sont plus palpables. Et nous avons détourné sur Serendip depuis un mois toutes les caravanes qui devaient transporter cet asphalte et ces huiles minérales dont parle votre hôtesse dans la capitale ennemie. Ah, c'est que notre manœuvre a été conçue et exécutée avec une intelligence que je puis appeler merveilleuse, puisque c'est votre hôtesse elle-même qui a tout ordonné. C'est-à-dire, répondit poliment le roi, que j'ai signé les ordres, vous les aviez dictés. Mais j'avoue sans fausse modestie que c'est un grand mérite pour un prince, et peut-être le plus grand, de ne pas excéder ses attributions et de savoir régner sans se mêler du gouvernement qui ne le regarde pas. J'avoue à mon tour, dit le ministre, que votre hôtesse, en effet, prend soin de me laisser toutes les responsabilités, mais qu'elle ne me marchande pas ses compliments, chaque fois que les choses tournent bien. Elle ne pouvait tourner mieux. Nous n'avons pas oublié que le monde entier a les yeux sur nous et que sa neutralité est bienveillante, mais qu'il guette nos fautes et que si par hasard nous commettions l'erreur la plus légère, il ne pourrait pas se défendre d'en rire en dépit de cette neutralité bienveillante, comme font les gamins dans la rue quand il voit une personne respectable faire un faux pas et choir sur le nez. Nous avons bien témoigné que nous sommes des artisans de paix et non les fauteurs d'une guerre nouvelle. Ce sont des missions d'ingénieurs que nous avons envoyées dans la région des huiles et des asphaltes. Nous ne pouvions naturellement hasarder sans protection ces savants et ces civils chez un ennemi capable de tout et il a bien fallu qu'une partie de nos troupes les accompagnât. Mais nous n'avons montré nos soldats qu'un moment, afin que chacun sût qu'ils sont là. Nous les avons aussitôt mis sous le boisseau, et nous ne les faisons apparaître qu'en cas d'urgence. Lorsque la foule n'est pas sage, ils ont ordre de promener avec une extrême lenteur dans les rues où la circulation est le moins difficile, afin d'éviter les accidents, leurs terribles chars armés de faux. On les autorise aussi à bander leurs arcs menaçants et à tirer, s'il devient nécessaire, quelques flèches, mais seulement vers les étoiles. Bref, sire, notre occupation militaire est invisible, notre occupation civile est discrète. Quant à notre justice, elle fait l'admiration de l'univers et des justiciables eux-mêmes. Que votre hôtesse me permette de le lui dire, c'est là un fait sans précédent. On a 24 heures pour maudire ces juges, et il est bien rare que l'on se contente d'un temps si court et que l'on ne demande pas un moratoire. Mais ce qui est plus rare encore, ou plutôt ce qui ne s'est jamais vu, c'est que, après une condamnation sans temps, on rend hommage à la courtoisie et à l'impartialité du tribunal. C'est pourtant ce qui s'est vu l'autre jour, lorsque nous avons dû condamner quelques grands industriels coupables de n'avoir pas obtempéré à nos ordres. Il est vrai que nous avons pris des mitaines. Nous avons tenu compte de leurs sentiments patriotiques, nous leur avons accordé les circonstances atténuantes à la demande non de leur avocat mais de l'accusateur public. Nous leur avons accordé même le bénéfice de la loi de sursis, qui n'existe pas dans leur code. Et ils n'ont pas à se plaindre d'avoir été condamnés selon le droit de Sérindip, moins barbare que leur coutume. Aussi ne se plaignent-ils point. Ils ne disent pas qu'ils ne le feront plus. Ils disent au contraire qu'ils recommenceront à la première occasion. Mais ils chantent les louanges du code Nabussan, et ce concert doit être bien doux au cœur de votre hôtesse. « Vous l'avouerai-je, mon cher Zadig ?» dit le roi. « Rien ne m'est si indifférent. Je me moque de leurs éloges, je me moque de leurs malédictions, mais ce qui me fait sortir de mon caractère, c'est l'impudence et la grossièreté de leur mauvaise foi. Je ne m'attendais pas qu'ils prissent leurs mésaventures sans regimber. Et je leur pardonnerai de dire, vous êtes les plus forts aujourd'hui, vous verrez ce qui vous arrivera si nous sommes les plus forts demain. Mais je ne puis digérer qu'ils invoquent hypocritement leurs droits, quand ils savent mieux que personne que nous usons avec une modération sans exemple d'un droit incontestable et qu'ils ont eux-mêmes abusé, au premier jour de la guerre, d'un droit qui n'était que celui de la force. Qui donc espère-t-il tromper ? Ah, sire, dit Zadig, il n'est jamais téméraire de compter que l'on trompera quelqu'un. Soit, dit le roi, mais vous savez que le peuple de Sérindip est le plus raisonnable de toute la terre. Il n'est qu'une chose qu'un homme de ce pays ne supporte point, c'est qu'on lui démontre pédantesquement qu'il a tort quand il est sûr d'avoir raison, et qu'on essaye de lui prouver que les vessies sont des lanternes ou qu'il fait nuit en plein jour. Par le Dieu unique, je veux bien que nos ennemis crient et se révoltent. Je veux bien même qu'ils nous trompent, qu'ils nous roulent et qu'ils ne nous payent point. Je ne veux pas qu'ils disent que le bon droit est de leur côté. « Sire, repartit Zadig, le peuple de Sérindip est le plus raisonnable de toute la terre, mais il est aussi le plus ironique. Votre hôtesse ne trouve-t-elle pas assez divertissant le spectacle de ces cuistres qui, tout en cédant à la force et au droit, ne cessent d'argumenter comme à l'école ?»« Zadig, fit en souriant le roi, vous êtes un dilettante. »« Peut-être, répondit le ministre, mais bien armé, et tout le contraire d'un dilettante de cabinet. » C'était La revanche de l'ironie par Abel Hermant.